Petite somme théologique de saint Thomas d'Aquin, par l'abbé Frédéric Le Breton, Gourmet du Pré 1860. Question 77. Des facultés de l'âme en général. Existence des facultés de l'âme, moyen de les distinguer, leur ordre, leur survivance au corps. 1. L'essence même de l'âme est-elle sa puissance? Il est nécessaire de distinguer la puissance de l'âme de son essence. En Dieu la puissance est la même chose que l'essence, cela ne saurait avoir lieu ni dans l'âme ni dans les esprits célestes. Si l'essence même de l'âme était sa puissance, c'est-à-dire le principe immédiat de son opération, l'âme serait constamment en opération de la même manière qu'elle est toujours vivante. Les facultés de l'âme ne sont donc pas identiques à son essence. Note. Les facultés de l'âme ne sont ni la substance de l'âme ni de simples accidents de l'âme, elles en sont les propriétés naturelles. Fin de la note. 2. Est-il nécessaire que l'âme possède plusieurs facultés? Il est nécessaire que l'âme possède plusieurs facultés, en effet, placée au dernier rang des êtres à qui la béatitude est réservée, elle doit, pour l'obtenir, développer son être en tous sens, il lui faut pour cela un grand nombre d'opérations et de vertus, et c'est ce qui la distingue des esprits célestes. Une autre raison pour laquelle l'âme humaine doit posséder plusieurs facultés, c'est qu'étant placée sur la limite du monde des esprits et du monde des corps, elle participe aux vertus de l'un et de l'autre. Note. Celui qui peut obtenir une santé parfaite à l'aide d'un grand nombre de moyens est mieux doué que celui qui ne peut d'aucune façon arriver à la santé. Pour n'être pas né dans des conditions aussi heureuses que les anges, l'homme cependant est plus favorisé que les êtres placés au-dessous de lui, qui ne sauraient obtenir la perfection universelle et complète de la béatitude. Fin de la note. 3. Les facultés de l'âme se distinguent-elles par les actes et par les objets? Les facultés de l'âme se distinguent par leurs actes, qui diffèrent eux-mêmes selon la nature de leurs objets. La raison c'est que les actes, bien que postérieurs aux facultés quant à l'existence, leur sont néanmoins antérieurs quant à la pensée divine, dans l'ordre rationnel, comme la fin est antérieure à l'action, et qu'ensuite les objets sont encore antérieurs à tout, soit aux facultés, soit aux actes. Ainsi les facultés, qui, comme telles, sont prédisposés pour leurs actes, doivent nécessairement être distingués par les actes et par les objets des actes. Note. Chaque faculté de l'âme tire son caractère propre de l'acte auquel elle est destinée, et l'acte lui-même revêt un caractère propre suivant la nature de son objet. Fin de la note. 4. Y a-t-il un ordre dans les facultés de l'âme? L'ordre des facultés de l'âme se présente à nous sous trois aspects. Dans l'ordre de perfection, les facultés intellectuelles sont supérieures aux facultés sensitives, elles les dirigent et leur commandent. Les facultés sensitives, à leur tour, sont supérieures aux facultés nutritives. Dans l'ordre de génération ou de formation, les facultés nutritives précédant, au contraire, les facultés sensitives, et les facultés sensitives sont avant les facultés intellectuelles, car l'imparfait précède le parfait sous le rapport du temps. Dans l'ordre des objets, certaines facultés sensitives, la vue, l'ouïe et l'odorat, ont aussi une certaine coordination entre elles. La vue est naturellement la première, l'ouïe vient après, l'odorat en dernier lieu. 5. Toutes les facultés de l'âme sont-elles dans l'âme elle-même? L'intelligence et la volonté résidant dans l'âme elle-même comme dans leur sujet, Mais les facultés qui s'exercent par les organes existent dans l'être composé d'âme et de corps, je veux dire dans l'homme, et non dans l'âme exclusivement. La sensibilité, par exemple, n'est le propre ni de l'âme, ni du corps, la faculté de sentir réside dans l'homme, qui est le composé de l'âme et du corps. Note. Les facultés appartiennent à l'être qui opère. Toutes sont dans l'âme comme dans le principe qui communique à l'être composé, à l'homme, le pouvoir d'agir, mais elles n'y sont pas toutes comme dans leur sujet, plusieurs sont dans l'homme même. Fin de la note. 6. Les facultés de l'âme découlent-elles de son essence ? Il est certain que toutes les puissances de l'âme, qu'elles aient pour sujet l'âme elle-même ou l'être composé, émanent de l'essence de l'âme comme de leur principe. Les unes, en effet, en sont les propriétés naturelles, les autres existent dans l'être composé, c'est-à-dire l'homme, qui n'a d'existence et d'actualité que par l'âme. 7. Une faculté a-t-elle son origine dans une autre ? Les facultés de l'âme sont disposées de telle sorte que les plus parfaites sont la fin des autres, et que les moins parfaites sont comme le principe subjectif des plus parfaites. Ainsi, dans l'ordre de perfection, les sens sont pour l'intelligence, et non l'intelligence pour les sens, au lieu que, selon l'ordre de formation, les puissances les moins parfaites, qui précèdent les autres, leur servent en quelque sorte de principe. L'âme, en tant que sensitive, est comme le sujet matériel de l'intelligence, car l'être animé est formé avant l'homme. 8. L'âme conserve-t-elle toutes ses facultés après la vie ? L'intelligence et la volonté, qui appartiennent exclusivement à notre âme, survivent à la destruction du corps, mais les facultés de la partie sensitive et nutritive, qui ont pour sujet l'être composé, ne restent dans l'âme que virtuellement comme dans leur principe et leur cause, l'être composé détruit, elle n'existe plus en acte, faute de sujet. Markandanarchive.org 2020, extrait du tome 1er, d'après Books Google FR, licence Creative Commons pas d'usage commercial, partage à l'identique.